Édition de mai 2015. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Avril fut plus calme que mars au niveau personnel. Pas de décès, pas de maladie. Ouf! Par contre, ici, le froid a perduré pendant pratiquement tout le mois. Nous avons même reçu de la neige dans la semaine du 20 avril. Peu de soleil et de froid ont fini par affecter mon niveau d'énergie. Heureusement, on nous annonce un mercure près des 20 degrés Celsius pour les prochains jours. Ça va faire du bien. Si le temps n'était pas au rendez-vous, d'autres signes se manifestaient tout de même pour indiquer l'arrivée du printemps, dont l'apparition de petits oiseaux que je n'avais pas vus de l'hiver, le passage de quelques oies sauvages et le réveil des coccinelles qui placardent les fenêtres côté sud. C'est le lot des vieilles maisons, me direz-vous. Certes, mais il me semble qu'il y en a beaucoup cette année. Sur ce, passons à l'emploi du temps du mois. J'ai poursuivi mes activités auprès de Radio Saint-François pendant le mois d'avril, mettant à jour quotidiennement les rubriques pour le stream des rubriques et effectuant la revue de presse. Toutes les semaines, je réalisais la rubrique cinéma ainsi que les bulletins d'information. Chaque week-end, j'ai effectué le chargement sur Radio Nami, l'hôte de la radio, de l'ensemble des rubriques pour la semaine suivante. Création d'une page consacrée à l'émission « Les belles rencontres » sur le site web de la radio le 6 avril. Ce jour-là, j'ai aussi mis à jour les archives. Anne Bergeron, l'animatrice de « Les belles rencontres », ayant été prolifique en avril, j'ai monté et finalisé plusieurs émissions qui sont en cours de diffusion tous les week-ends. Le 24 avril, je planifiais le contenu des rubriques pour mai. Pour le podcast mensuel des éditions de l'avenir, j'ai récupéré et écouté la capsule de Jean Seb le 3 avril. Le même jour, je scriptais l'émission d'avril et cherchais les liens à ajouter à la page de l'émission lors de la mise en ligne. Le 5, je montais et réalisais l'émission, qui fut mise en ligne le 6. Une fois par semaine, j'ai rédigé le billet de mes activités sur mon blog personnel. Parlant blog, le 19 avril, j'ai relevé les statistiques de téléchargement pour nos productions audio, ce qui m'a permis de constater que « Contrôle permanent » de Fred Leborg avait franchi le cap des 3000 téléchargements et que l'ensemble des épisodes du PC Show avec Paul Courtemèche avait plus de 9000 téléchargements. Merci à vous! Du 3 au 10 avril, j'ai continué à scripter les résumés Perry Rodden pour les fascicules 150 à 159. Le 10, j'enregistrais le tout et préparais les musiques et les effets spéciaux pour le montage. Les 12 et 13, j'éditais mes prises. Le montage s'est étendu du 13 au 16 avril. Révision et sortie du fichier MP3 le 16. Conception de la pochette et tagage le 19. J'ai commencé à scripter la tranche suivante à partir du 23. J'enregistrais mes prises pour le 19e épisode du PC Show le 7 avril. Prises que j'éditais le même jour. Dès le lendemain, je débutais le montage. Ajustement est sorti d'une première version le 9 avril, version que j'ai soumise à Gabriel pour avoir son avis. Ajout des réactions du public le 11 avril. Révision, ajustement, sortie du fichier final le lendemain. Aussi, conception de la pochette et tagage de l'épisode, qui fut mise en ligne le 30 avril. Autre révision de l'épisode double 2021, le 28. Ouais, mon polo! Yeah. Papa! Il n'est pas vu! Je me demande où il est passé, celui-là. Ah, voici la porte arrière. Une porte jardin donnant sur le patio. Je ne me trompais pas. en fer, barré également. Voilà qui ne simplifie pas les choses. À titre d'auteur, je me suis à nouveau penché sur la deuxième aventure de Carl Inouye pour une éventuelle édition en e-book. Aussi, début de révision pour la deuxième aventure des enquêteurs. Mise en ligne de la page 5 de l'édition du 29 septembre 1883 du Progrès de l'Est, le 9 avril. Enregistrement de la page 6, le 20, finalisation de la réalisation le lendemain. Aussi, j'ai commencé le travail sur la page 8. À Worcester, Massachusetts, le 24 du mois courant, l'épouse de M. N. Jacques, M.D., une fille. Pour Radio Conteur, chargement des heures 13 et 14 dans lesquelles on trouvait, entre autres, les Robinson des mers du Sud, une aventure de Candy, Bobino et Bobinette. La toute dernière nouvelle de Nouvelles histoires extraordinaires de Garpo fut mise en ligne le 16 avril. Le projet est désormais complété. Au bout de quelques instants, je regardais de nouveau la peinture fixement. Je ne pouvais pas douter, quand même je l'aurais voulu, que je n'y visse alors très nettement. Car le premier éclair du flambeau sur cette toile avait dissipé la stupeur rêveuse dont mes sens étaient possédés et m'avait appelé tout d'un coup à la vie réelle. Le portrait, je l'ai déjà dit, j'ai consacré du temps aux relations des Jésuites en avril. Mise en ligne de la 16e partie, réalisation de la 17e, transcription des parties 19 et 20. Enfin, quand nous fûmes environ trois quarts de lieue du bout de notre pèlerinage, on jeta la troisième ancre qui nous arrêta. Une barque française que nous avions rencontrée à Tadoussac et qui venait avec nous perdit deux ancres aussi bien que nous. Enfin, le 5 de juillet, qui était un lundi, 2 mois et 18 jours depuis le 18 d'avril, que nous partîmes, nous arrivâmes au port tant désiré. En 2015, j'ai prévu mettre en ligne 4 petits textes d'Alphonse Allais. Projet solo pour le premier, je l'ai complété au cours du mois et j'ai commencé à travailler sur les autres. Je me suis un peu replongé dans mes recherches généalogiques en avril, fouillant davantage du côté de mes grands-parents maternels. Pour les contes du Pays Gallo, j'ai réalisé Le Cheval Géant, qui paraîtra en mai. Place maintenant à Jean-Seb, qui nous dit, entre autres, qu'il a bien aimé être interviewé. À toi, Jean-Seb. Ici Jean-Seb, et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Enfin, le printemps est arrivé, on a reçu notre nouvelle roulotte pour pouvoir faire du camping et il y a plein d'audio à écouter. Le 9 avril 2015, j'ai eu la joie, le bonheur et le privilège d'être interviewé par le plus beau de tous les omelets de la planète. Je veux parler ici de Mike Tremblay du podcast Le Super Matozoïde. En effet, l'épisode 73 de la saison 3, Mike Tremblay a réitéré son expérience de faire un podcast intitulé Spécial des auditeurs. Ce fut pour moi une expérience très agréable à vivre, en étant de l'autre côté du micro. Depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de faire passer certaines personnes en entrevue avec Parlons Balado, mais cette fois, j'étais de l'autre côté du micro et j'ai bien aimé l'expérience. Ainsi donc, on passait au crible iMac, un régulier du spermatozoïde qui aime donner des commentaires ou faire des demandes spéciales. Il était donc normal de l'inviter à l'émission. Ensuite, il y a eu Steve Bernier, un autre auditeur, qui, lorsqu'il a su que Mike Tremblay allait faire un spécial auditeur, il s'est proposé pour être de la partie. Ensuite, il y a eu aussi Cédric Perron, qu'on avait déjà passé en entrevue à Parlons Balado, lors de l'épisode 27, en date du 27 mars 2015. C'est celui qui fait le podcast CED, CED Musique. Il y a eu aussi Simon Dubois, qui anime aussi le podcast Rétro Nouveau. Le dernier, et non le moindre, à passer pour cette émission, moi-même, en personne, la cerise sur le sundae, le crémage sur le gâteau. On était supposé de faire un 15 minutes, on a un petit peu dépassé. Ben oui, hein? Dans le blog du podcast, il m'a même mentionné comme étant une machine à parole. Moi, ça, le gars qui a le podcast le plus sporadique d'Internet. Eh ben, non, sérieux, c'était vraiment une superbe expérience. Seule chose, faut faire des erreurs quand on passe en entrevue. Je ne me souvenais plus du nom de Christian Martin. Désolé, mon grand. Et je l'avais pas pris en note. J'étais trop excité, trop énervé. Et j'ai oublié de mentionner que je faisais le professeur glutamate dans les productions de Walter Proof, soit pour Colibacille et la Breluche dorée. Mais bon, j'étais nerveux. C'était une première expérience. C'était en une prise, croqué sur le vif. Pas de découpage, j'ai bien aimé ça. Je vous invite à aller l'écouter. Le Super Matozoïde, saison 3, numéro 73, spécial des auditeurs, en date du 9 avril 2015. Ce printemps, j'ai aussi fait un petit peu de ménage dans les téléchargements que je faisais et j'ai demandé à la communauté sur Twitter s'il y avait de nouveaux bibelots que je pouvais mettre dans mes oreilles. Bien sûr, mes collègues de Parlons Balado m'ont fortement suggéré de consulter la liste, mais je désirais faire d'autres explorations. Parmi mes amis de l'Europe, connu sur l'Internet par le nom de Quenton, Q-U-E-N-T-O-N, collaborateur de Walter Proof, qui est rentré en contact avec moi et m'a suggéré d'écouter Gamecraft et Café Tlatch. Bien sûr, j'ai vite déduit que c'était des podcasts dans lesquels il faisait probablement partie. Néanmoins, j'ai porté une attention particulière aux productions qu'il m'a suggérées et j'ai adoré. Quentin est très actif sur les réseaux sociaux. Il participe aussi à l'une app. Il fait aussi partie de la distribution de la Breluche dorée et de Colis Bacille avec moi et une vingtaine d'autres. Donc, c'est un bon collègue de saga, même si je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Mais je sais aussi qu'il fait de la musique. Mais bref, revenons à nos moutons. En ce qui concerne Gamecraft, tout a commencé en septembre 2012 lorsque la défunte web radio nommée StayGeek Radio a été mise en projet. Afin de remplir la grille de diffusion, ils se sont concertés, Quentin, Devil et Benzen, et ils ont décidé de créer l'émission audio Gamecraft. Maintenant aussi sur YouTube. Il se retrouve en live tous les jeudis pour décortiquer les mises à jour, news et snapshots concernant le célèbre jeu de Mojang Minecraft, mais depuis, il ne s'y limite, mais pas du tout. En 2015, les lignes éditoriales sont les news high-tech, les trucs de la semaine, le podcast de la semaine, les news en bref, parfois un coup de gueule de la semaine, mais toujours dans la bonne humeur. Chaque épisode est un ramassis de plusieurs petits segments. Dans les derniers épisodes, ils ont abordé des sujets de l'application Facebook Hello, qui vous permet d'avoir des informations tirées de sur Facebook, des personnes qui vous appellent par téléphone. Ils ont parlé d'une vidéo sur le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Ils ont parlé de l'Apple II Watch, d'un ordinateur en Lego, de Chromebit, de Popcorn Time sur iPhone, etc. C'est un moment de pur bonheur. Et en ce qui concerne Café Tlatch, je vous l'appelle parce que vous ne pourrez pas l'inventer seul. CAFEKLATCH. Café Tlatch est une émission audio dans laquelle Quentin débat avec des invités ou avec son collaborateur William de PodMyDev des sujets qui leur tiennent à cœur. William est un autre passionné des nouvelles technologies et il a commencé à faire du podcast adolescent autour du monde geek, tech, programmation. Et après avoir rencontré Quentin, ils ont lancé le Café Tlatch qui existe maintenant depuis près de 2 ans. À l'opposé de Gamecraft, qui est un collectif de petites nouvelles, Café Tlatch s'attarde à un sujet en particulier à chaque épisode. Quelques titres d'épisodes qui ont eu lieu. La course aux pixels de nos appareils photo numériques est-elle finie? La dématérialisation des moyens de paiement. L'impression 3D. Quand la technologie s'immisce dans la montre. Vers une éducation alternative pour le numérique. Les Google Glass ont-elles échoué? Et le dernier en liste, la pornographie comme laboratoire technologique. On s'entend-tu qu'il y a des très belles discussions là-dessus? Les épisodes durent entre 1 heure et 1h30. Le maximum que j'ai vu était de 2 heures. Bon, eux aussi ont le droit de s'étirer. Je vous invite fortement à suivre Quentin sur son YouTube, sur son podcast, sur SoundCloud, afin d'y retrouver les mélodies qu'il compose. Et sur son Twitter à Quenton57, Quenton57. Avant de conclure, je désire vous rassurer sur le fait que je suis toujours en pourparlers avec Adrien Mangold de la saga Prototype S. On devrait se faire une petite entrevue, peut-être via Skype, d'ici les prochaines semaines. J'ai très hâte. J'ai aussi hâte de faire celle avec Gensio Reva. Je leur laissais le temps de terminer la période scolaire et atteindre le point tournant du 2e cycle. Bon printemps à tous. Profitez-en bien. Attention au soleil. Pour toute suggestion, commentaire, epicureaudio@gmail.com ou jshamel99@gmail.com. À vous, les studios! Merci Jean-Seb. Suite de Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Dans l'épisode précédent, on assiste, entre autres, à la rencontre entre Rouletabille et le célèbre détective Frédéric Larsan. Et maintenant, la suite. Chapitre 6. Au fond de la chaînée. Nous arrivâmes au château. Le vieux donjon se reliait à la partie du bâtiment entièrement refaite sous Louis XIV par un autre corps de bâtiment moderne, style Viollet-le-Duc, où se trouvait l'entrée principale. Je n'avais encore rien vu d'aussi original, ni peut-être d'aussi laid, ni surtout d'aussi étrange en architecture que cet assemblage bizarre de styles disparates. C'était monstrueux et captivant. En approchant, nous vîmes 2 gendarmes qui se promenaient devant une petite porte ouvrant sur le rez-de-chaussée du donjon. Nous apprîmes bientôt que, dans ce rez-de-chaussée, qui était autrefois une prison et qui servait maintenant de chambre de débarras, on avait enfermé des concierges, M. et Mme Bernier. M. Robert Darzac nous fit entrer dans la partie moderne du château par une vaste porte que protégeait une marquise. Rouletabille, qui avait abandonné le cheval et le cabriolet aux soins de domestique, ne quittait pas des yeux M. Darzac. Je suivis son regard et je m'aperçus que celui-ci était uniquement dirigé vers les mains gantées du professeur à la Sorbonne. Quand nous fûmes dans un petit salonnet garni de meubles vieillots, M. Darzac se tourna vers Rouletabille et, assez brusquement, lui demanda: « Parlez. Que me voulez-vous? » Le reporter répondit avec la même brusquerie. « Vous serrez la main. » Darzac se recula. « Que signifie ?» Évidemment, il avait compris ce que je comprenais alors, que mon ami le soupçonnait de l'abominable attentat. La trace de la main ensanglantée sur les murs de la chambre jaune lui apparut. Je regardais cet homme à la physionomie si hautaine, au regard si droit d'ordinaire, et qui se troublait en ce moment si étrangement. Il tendit sa main droite et, me désignant... « Vous êtes l'ami de M. Sinclair qui m'a rendu un service inespéré dans une juste cause, monsieur. Je ne vois pas pourquoi je vous refuserais la main. » Rouletabille ne prit pas cette main. Il dit, montant avec une audace sans pareille... « Monsieur, j'ai vécu quelques années en Russie, d'où j'ai rapporté cet usage de ne jamais serrer la main à quiconque ne se dégante pas. » Je crus que le professeur en Sorbonne allait donner un libre cours à la fureur qui commençait à l'agiter, mais au contraire, d'un violent effort visible, il se calma, se déganta et présenta ses mains. Elles étaient nettes de toute cicatrice. « Êtes-vous satisfait ?»« Non, » répliqua Rouletabille. « Mon cher ami, » fit-il en se tournant vers moi, « je suis obligé de vous demander de nous laisser seuls un instant. » Je saluai et me retirai, stupéfait de ce que je venais de voir et d'entendre, et ne comprenant pas que M. Robert Darzac n'eût point déjà jeté à la porte mon impertinent, mon injurieux, mon stupide ami. Car, à cette minute, j'en voulais à Rouletabille de ses soupçons qui avaient abouti à cette scène inouïe des gants. Je me promenais environ 20 minutes devant le château, essayant de relier entre eux les différents événements de cette matinée et n'y parvenant pas. Quelle était l'idée de Rouletabille? Était-il possible que M. Robert Darzac lui apparût comme l'assassin? Comment penser que cet homme, qui devait se marier dans quelques jours avec Mlle Stangerson, s'était introduit dans la chambre jaune pour assassiner sa fiancée? Enfin, rien n'était venu m'apprendre comment l'assassin avait pu sortir de la chambre jaune. Et tant que ce mystère qui me paraissait inexplicable ne me serait pas expliqué, j'estimais, moi, qu'il était du devoir de tous de ne soupçonner personne. Enfin, que signifiait cette phrase insensée qui sonnait encore à mes oreilles? Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. J'avais hâte de me retrouver seul avec Rouletabille pour le lui demander. À ce moment, le jeune homme sortit du château avec M. Robert Darzac. Chose extraordinaire, je vis au premier coup d'œil qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. « Nous allons à la chambre jaune, » me dit Rouletabille. « Venez avec nous. Dites donc, cher ami, vous savez que je vous garde toute la journée. Nous déjeunons ensemble dans le pays. »« Vous déjeunerez avec moi ici, monsieur. »« Non, merci, » répliqua le jeune homme. « Nous déjeunerons à l'auberge du donjon. »« Vous y serez très mal. Vous n'y trouverez rien. »« Croyez-vous ? Moi, j'espère y trouver quelque chose. » répliqua Rouletabille. « Après déjeuner, nous retravaillerons. Je ferai mon article. Vous serez assez aimable pour me le porter à la rédaction. » « Et vous ? Vous ne revenez pas avec moi ?»« Non. Je couche ici. » Je me retournai vers Rouletabille. Il parlait sérieusement et M. Robert Darzac ne parut nullement étonné. Nous passions alors devant le donjon et nous entendîmes des gémissements. Rouletabille demanda « Pourquoi a-t-on arrêté ces gens-là ?»« C'est un peu de ma faute, » dit M. Darzac. « J'ai fait remarquer hier au juge d'instruction qu'il est inexplicable que les concierges aient eu le temps d'entendre des coups de revolver, de s'habiller, de parcourir l'espace assez grand qui sépare l'horloge du pavillon, tout cela en 2 minutes. Car il ne s'est pas écoulé plus de 2 minutes entre les coups de revolver et le moment où ils ont été rencontrés par le père Jacques. « Évidemment, c'est louche. » acquiesça Rouletabille. « Et ils étaient habillés ?»« Voilà ce qui est incroyable. Ils étaient habillés entièrement, solidement et chaudement. Il ne manquait aucune pièce à leur costume. La femme était en sabots, mais l'homme avait ses souliers lacés. Or, ils ont déclaré s'être couchés comme tous les soirs à 9h. En arrivant ce matin, le juge d'instruction, qui s'était muni à Paris d'un revolver de même calibre que celui du crime, car il ne veut pas toucher au revolver prise conviction, a fait tirer 2 coups de revolver par son greffier dans la chambre jaune, fenêtre et porte fermées. nous étions avec lui dans la loge des concierges, nous n'avons rien entendu. On ne peut rien entendre. Les concierges ont donc menti, cela ne fait point de doute. Ils étaient prêts. Ils étaient déjà dehors, non loin du pavillon. Ils attendaient quelque chose. Certes, on ne les accuse point d'être les auteurs de l'attentat, mais leur complicité n'est pas improbable. Monsieur de Marquet les a fait arrêter aussitôt. S'ils avaient été complices, dit Rouletabille, ils seraient arrivés débraillés. Ou plutôt, ils ne seraient pas arrivés du tout. Quand on se précipite dans les bras de la justice, avec sur soi tant de preuves de complicité, c'est qu'on n'est pas complice. Je ne crois pas aux complices dans cette affaire. Alors, pourquoi étaient-ils dehors à minuit? Qu'ils le disent. Ils ont certainement un intérêt à se taire. Il s'agit de savoir lequel. Même s'ils ne sont pas complices, cela peut avoir quelque importance. Tout est important de ce qui se passe dans une nuit pareille. Nous venions de traverser un vieux pont jeté sur la Douve et nous entrions dans cette partie du parc appelée la Chênaie. Il y avait là des chênes centenaires. L'automne avait déjà recroquevillé leurs feuilles jaunies et leurs hautes branches noires et serpentines semblaient d'affreuses chevelures, des nœuds de reptiles géants, entremêlés comme le sculpteur antique en a tordu sur sa tête de méduse. Ce lieu que Mademoiselle Stangerson habitait l'été parce qu'elle le trouvait gai, nous apparut en cette saison triste et funèbre. Le sol était noir, tout fangeux des pluies récentes et de la bourbe des feuilles mortes. Les troncs des arbres étaient noirs. Le ciel lui-même, au-dessus de nos têtes, était en deuil, charriait de gros nuages lourds. Et dans cette retraite sombre et désolée, nous aperçûmes les murs blancs du pavillon. Étrange bâtisse, sans une fenêtre visible du point où elle nous apparaissait. Seule, une petite porte en marquait l'entrée. On eût dit un tombeau, un vaste mausolée au fond d'une forêt abandonnée. À mesure que nous approchions, nous en devinions la disposition. Ce bâtiment prenait toute la lumière dont il avait besoin au midi, c'est-à-dire de l'autre côté de la propriété, du côté de la campagne. La petite porte refermée sur le parc, M. et Mlle Stangerson devaient trouver là une prison idéale pour y vivre avec leurs travaux et leurs rêves. Je vais donner tout de suite, du reste, le plan de ce pavillon. Il n'avait qu'un rez-de-chaussée, où l'on accédait par quelques marches, et un grenier assez élevé qui ne nous occupera en aucune façon. C'est donc le plan du rez-de-chaussée dans toute sa simplicité que je soumets au lecteur. Il a été tracé par Rouletabille lui-même et j'ai constaté qu'il n'y manquait pas une ligne, pas une indication susceptible d'aider à la solution du problème qui se posait alors devant la justice. Avec la légende et le plan, les lecteurs en sauront tout autant pour arriver à la vérité qu'en savait Rouletabille quand il pénétra dans le pavillon pour la première fois et que chacun se demandait par où l'assassin a-t-il pu fuir de la chambre jaune. Avant de gravir les trois marches de la porte du pavillon, Rouletabille nous arrêta et demanda à brûle-pourpoint à M. Darzac. Eh bien, et le mobile du crime? Pour moi, monsieur, il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet, fit le fiancé de Mlle Stangerson avec une grande tristesse. Les traces de doigts, les profondes écorchures sur la poitrine et au cou de Mlle Stangerson attestent que le misérable qui était là avait essayé un affreux attentat. Les médecins experts qui ont examiné hier ces traces affirment qu'elles ont été faites par la même main dont l'image ensanglantée est restée sur le mur. Une main énorme, monsieur, et qui ne tiendrait point dans mon gant. Ajouta-t-il avec un amer et indéfinissable sourire. Cette main rouge, interrompis-je, ne pourrait donc pas être la trace des doigts ensanglantés de Mlle Stangerson qui, au moment de s'abattre, aurait rencontré le mur et aurait laissé en glissant une image élargie de sa main pleine de sang? Il n'y avait pas une goutte de sang aux mains de Mlle Stangerson quand on l'a relevée, répondit M. Darzac. On est donc sûr maintenant, fis-je, que c'est bien Mlle Stangerson qui s'était armée du revolver du père Jacques, puisqu'elle a blessé la main de l'assassin. Elle redoutait donc quelque chose ou quelqu'un? C'est probable. Vous ne soupçonnez personne? Non. répondit M. Darzac en regardant Rouletabille. Rouletabille alors me dit « Il faut que vous sachiez, mon ami, que l'instruction est un peu plus avancée que n'a voulu nous le confier ce petit cachotier de M. de Marquet. Non seulement l'instruction sait maintenant que le revolver fut l'arme dont se servit pour se défendre Mlle Stangerson, mais elle connaît, mais elle a connu tout de suite l'arme qui a servi à attaquer, à frapper Mlle Stangerson. C'est, m'a dit M. Darzac, un os de mouton. Pourquoi M. de Marquet entoure-t-il cet os de mouton de tant de mystère ? Dans le dessein de faciliter les recherches des agents de la sûreté ? Sans doute. Il imagine peut-être qu'on va retrouver son propriétaire parmi ceux qui sont bien connus, dans la basse pègre de Paris, pour se servir de cet instrument de crime, le plus terrible que la nature ait inventé. Et puis... est-ce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans une cervelle de juge d'instruction ? Ajouta Rouletabille avec une ironie méprisante. J'interrogeai. On a donc retrouvé un os de mouton dans la chambre jaune ? Oui, monsieur. Fit Robert Darzac. Au pied du lit. Mais, je vous en prie, n'en parlez point. Monsieur de Marquet nous a demandé le secret. Je fis un geste de protestation. C'est un énorme os de mouton dont la tête, ou pour mieux dire... dont l'articulation était encore toute rouge du sang de l'affreuse blessure qu'il avait faite à Mlle Stangerson. C'est un vieil os de mouton qui a dû servir déjà à quelques crimes, suivant les apparences. Ainsi pense M. de Marquet qu'il l'a fait porter à Paris, au laboratoire municipal, pour qu'il fût analysé. Il croit en effet avoir relevé sur cet os non seulement le sang frais de la dernière victime, mais encore des traces roussâtres qui ne seraient autres que des taches de sang séchées, témoignages de crimes antérieurs. Un os de mouton, dans la main d'un assassin exercé, est une arme effroyable, dit Rouletabille. Une arme plus utile et plus sûre qu'un lourd marteau. Le misérable l'a d'ailleurs prouvé, fit douloureusement M. Robert Darzac. L'os de mouton a terriblement frappé Mlle Stangerson au front. L'articulation de l'os de mouton s'adapte parfaitement à la blessure. Pour moi, cette blessure eût été mortelle si l'assassin avait été à demi arrêté dans le coup qu'il donnait par le revolver de Mlle Stangerson. Blessé à la main, il lâchait son os de mouton et s'enfuyait. Malheureusement, le coup de l'os de mouton était parti et était déjà arrivé. Et Mlle Stangerson était quasi assommée après avoir failli être étranglé. Si Mlle Stangerson avait réussi à blesser l'homme de son premier coup de revolver, elle eût sans doute échappé à l'os de mouton. Mais elle a saisi certainement son revolver trop tard. Puis, le premier coup dans la lutte a dévié et la balle est allée se loger dans le plafond. Ce n'est que le second coup qui a porté. Ayant ainsi parlé, M. Darzac frappa à la porte du pavillon. Vous avouerai-je mon impatience de pénétrer dans le lieu même du crime ? J'en tremblais, et malgré tout l'immense intérêt que comportait l'histoire de l'os de mouton, je bouillais de voir que notre conversation se prolongeait et que la porte du pavillon ne s'ouvrait pas. Enfin, elle s'ouvrit. Un homme, que je reconnus pour être le père Jacques, était sur le seuil. Il me parut avoir la soixantaine bien sonnée. Une longue barbe blanche, des cheveux blancs sur lesquels il avait posé un béret basque, un complet de velours marron aux côtes usées, des sabots. Leur bougon, une figure assez rébarbative qui s'éclaira cependant dès qu'il eut aperçu M. Robert Darzac. « Des amis. » Fit simplement notre guide. « Il n'y a personne au pavillon, père Jacques ?»« Je ne dois laisser entrer personne, M. Robert. Mais bien sûr, la consigne n'est pas pour vous. Et pourquoi ?» Ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir, ces messieurs de la justice. Ils en ont fait assez de dessins et de procès-verbaux. Pardon, monsieur Jacques. Une question avant toute autre chose. Fit Rouletabille. Dites, jeune homme. Et si je puis y répondre ? Votre maîtresse portait-elle, ce soir-là, les cheveux en bandeau ? Vous savez bien, les cheveux en bandeau sur le front. Mon petit monsieur... ma maîtresse n'a jamais porté les cheveux en bandeau, comme vous dites. Ni ce soir-là, ni les autres jours. Il avait, comme toujours, les cheveux relevés, de façon à ce qu'on pouvait voir son beau front, pur comme celui de l'enfant qui vient de naître. Rouletabille grogna et se mit aussitôt à inspecter la porte. Il se rendit compte de la fermeture automatique. Il constata que cette porte ne pouvait jamais rester ouverte et qu'il fallait une clé pour l'ouvrir. Puis, nous entrâmes dans le vestibule, petite pièce assez claire, pavée de carreaux rouges. « Ah, voici la fenêtre !» dit Rouletabille. « Par laquelle l'assassin s'est sauvé. »« Qu'ils disent, monsieur, qu'ils disent. Mais s'il s'était sauvé par là, nous l'aurions bien vu, pour sûr. Sommes pas aveugles. Ni M. Stangerson, ni moi, ni les concierges qu'ils ont mis en prison. Pourquoi qu'ils ne m'y mettent pas en prison, moi aussi, à cause de mon revolver ?» Rouletabille avait déjà ouvert la fenêtre et examiné les volets. « Ils étaient fermés, à l'heure du crime ?»« Pour le quai de fer, en dedans !» fit le père Jacques. « Et moi, je suis bien sûr que l'assassin a passé au travers. »« Il y a des taches de sang ?»« Oui. Tenez, là, sur la pierre en dehors. »« Mais du sang de quoi ?»« Ah !» fit Rouletabille. « On voit les pas. Là, sur le chemin, la terre était très détrempée. » Nous examinerons cela tout à l'heure. Des bêtises, interrompit le père Jacques. L'assassin n'a pas passé par là. Eh bien, par où? Est-ce que je sais? Rouletabille voyait tout, flairait tout. Il se mit à genoux et passa rapidement en revue des carreaux maculés du vestibule. Le père Jacques continuait. Ah, vous ne trouverez rien, mon petit monsieur. Ils n'ont rien trouvé. Et puis maintenant, c'est trop sale. Il est entré trop de gens. Ils ne veulent point que je le lave, le carreau. Mais le jour du crime, j'avais lavé tout ça à grande eau, moi, père Jacques. Et si l'assassin avait passé par là avec ses ripatons, on l'aurait bien vu. Il a assez laissé la marque de ses godillots dans la chambre de mademoiselle. Rouletabille se releva et demanda « Quand avez-vous lavé ces dalles pour la dernière fois ?» Et il fixait le père Jacques d'un œil auquel rien n'échappe. « Mais dans la journée même du crime, je vous dis, vers les 5h30, pendant que mademoiselle et son père faisaient un tour de promenade avant de dîner ici même, car ils ont dîné dans le laboratoire. Le lendemain, quand le juge est venu, il a pu voir toutes les traces des pas par terre, comme qui dirait de l'encre sur du papier blanc. Eh bien, ni dans le laboratoire, ni dans le vestibule qui était propre comme un sou neuf, on a retrouvé ces pas à l'homme. Puisqu'on les retrouve auprès de la fenêtre dehors, il faudrait donc qu'il ait troué le plafond de la chambre jaune, qu'il ait passé par le grenier, qu'il ait troué le toit, mais qu'il soit redescendu juste à la fenêtre du vestibule en se laissant tomber. Eh bien, mais il n'y en a pas de trou au plafond de la chambre jaune, ni dans mon grenier, bien sûr. Alors, vous voyez bien qu'on ne sait rien, mais rien de rien, et qu'on ne saura, ma foi, jamais rien. C'est un mystère du diable. » Rouletabille se rejeta soudain à genoux, presque en face de la porte de petit lavatory qui s'ouvrait au fond du vestibule. Il resta dans cette position au moins une minute. « Eh bien ?» lui demandai-je quand il se releva. « Oh, rien de bien important. Une goutte de sang. » Le jeune homme se retourna vers le père Jacques. « Quand vous vous êtes mis à laver le laboratoire et le vestibule, la fenêtre du vestibule était ouverte ? Je venais de l'ouvrir, parce que j'avais allumé du charbon de bois pour monsieur sur le fourneau du laboratoire. Et comme je l'avais allumé avec des journaux, il y a eu de la fumée. J'ai ouvert les fenêtres du laboratoire et celles du vestibule pour faire courant d'air. Puis j'ai refermé celles du laboratoire et laissé ouvertes celle du vestibule. Et puis, je suis sorti un instant pour aller chercher une lavette au château. Mais c'est en rentrant, comme je vous ai dit, vers 5h30, que je me suis mis à laver les dalles. Après avoir lavé, je suis reparti, laissant toujours la fenêtre du vestibule ouverte. Enfin, pour la dernière fois, quand je suis rentré au pavillon, la fenêtre était fermée et monsieur et mademoiselle travaillaient déjà dans le laboratoire. Monsieur et mademoiselle Stangerson avaient sans doute fermé la fenêtre en entrant? Sans doute. Vous ne leur avez pas demandé? Non. Après un coup d'œil assidu au petit lavatory et à la cage de l'escalier qui conduisait au grenier, Rouletabille, pour qui nous semblions ne plus exister, pénétra dans le laboratoire. C'est, je l'avoue, avec une forte émotion que je l'y suivis. Robert Darzac ne perdait pas un geste de mon ami. Quant à moi, mes yeux allèrent tout de suite à la porte de la chambre jaune. Elle était refermée, ou plutôt poussée sur le laboratoire, car je constatai immédiatement qu'elle était à moitié défoncée et hors d'usage. Les efforts de ceux qui s'étaient rués sur elle, au moment du drame, l'avaient brisée. Mon jeune ami, qui menait sa besogne avec méthode, considérait, sans dire un mot, la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Elle était vaste et bien éclairée. Deux grandes fenêtres, presque des baies, garnies de barreaux, prenaient jour sur l'immense campagne. Une trouée dans la forêt, une vue merveilleuse sur toute la vallée, sur la plaine, jusqu'à la grande ville qui devait apparaître là-bas, tout au bout, les jours de soleil. Mais aujourd'hui, il n'y a que de la boue sur la terre, de la suie au ciel, et du sang dans cette chambre. Tout un côté du laboratoire était occupé par une vaste cheminée, par des creusets, par des fours propres à toute expérience de chimie. Des cornues, des instruments de physique un peu partout. Des tables surchargées de fioles, de papiers, de dossiers, une machine électrique, des piles. Un appareil, me dit M. Robert Darzac, employé par le professeur Stangerson pour démontrer la dissociation de la matière sous l'action de la lumière solaire, etc. Et tout le long des murs, des armoires, armoires pleines ou armoires vitrines, laissant apercevoir des microscopes, des appareils photographiques spéciaux, une quantité incroyable de cristaux. Rouletabille avait le nez fourré dans la cheminée. Du bout du doigt, il fouillait dans les creusets. Tout d'un coup, il se redressa, tenant un petit morceau de papier à moitié consumé. Il vint à nous qui causions auprès d'une fenêtre et il dit « Conservez-nous cela, monsieur Darzac. » Je me penchai sur le bout de papier roussi que monsieur Darzac venait de prendre des mains de Rouletabille et je lus distinctement ces seuls mots qui restaient lisibles. Presbytère, rien perdu, charme, ni le jar de son éclat. Et au-dessous, 23 octobre. Deux fois, depuis ce matin, ces mêmes mots insensés venaient me frapper et, pour la deuxième fois, je vis qu'ils produisaient sur le professeur en Sorbonne le même effet foudroyant. Le premier soin de M. Darzac fut de regarder du côté du père Jacques. Mais celui-ci ne nous avait pas vus, occupé qu'il était à l'autre fenêtre. Alors, le fiancé de Mlle Stangerson ouvrit son portefeuille en tremblant. Il serra le papier et soupira. « Ah, mon Dieu !» Pendant ce temps, Rouletabille était monté dans la cheminée. C'est-à-dire que, debout sur les briques d'un fourneau, il considérait attentivement cette cheminée qui allait se rétrécissant et qui, à 50 cm au-dessus de sa tête, se fermait entièrement par des plaques de fer scellées dans la brique, laissant passer trois tuyaux d'une quinzaine de centimètres de diamètre chacun. « Impossible de passer par là !» énonça le jeune homme en sautant dans le laboratoire. « Du reste, s'il l'avait même tenté, toute cette ferraille serait par terre. Non, non, ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher. » Rouletabille examina ensuite les meubles et ouvrit des portes d'armoire. Puis, ce fut le tour des fenêtres qui déclara infranchissable et infranchi. À la seconde fenêtre, il trouva le père Jacques en contemplation. « Eh bien, père Jacques, qu'est-ce que vous regardez par là ?»« Je regarde l'homme de la police qui ne cesse point de faire le tour de l'étang. On croirait mal qu'il n'en verra pas plus long que les autres. » Vous ne connaissez pas Frédéric Larsan, père Jacques ? Dit Rouletabille, en secouant la tête avec mélancolie. Sans cela, vous ne parleriez pas comme ça. S'il y en a un ici qui trouve l'assassin, ce sera lui, faut croire. Et Rouletabille poussa un soupir. Avant qu'on le retrouve, faudrait savoir comment on l'a perdu, répliqua le père Jacques têtu. Enfin, nous arrivâmes à la porte de la chambre jaune. Voilà la porte derrière laquelle il se passait quelque chose, fit Rouletabille avec une solennité qui, en toute autre circonstance, eût été comique. En complément de programme, tiré de contes du Pays Gallo d'Adolphe Forain, les éditions de l'Avenir présentent La Dame du Château aux quatre piliers d'or. Il y avait une fois un pauvre homme qui avait autant d'enfants qu'il y a de trous dans un crible, et sa femme, encore enceinte, lui en promettait sans doute beaucoup d'autres. Comme il était dans une misère extrême, il se demandait s'il trouverait un parrain et une marraine pour nommer son prochain enfant, et quelqu'un pour sonner les cloches le jour du baptême. Le malheureux se lamentait lorsqu'il rencontra une belle dame qui lui demanda la cause de son chagrin. « Hélas! » J'ai eu tant d'enfants que je ne sais plus à qui m'adresser pour trouver un parrain et une marraine pour nommer le nouvel être que ma femme doit bientôt mettre au monde. Et quelqu'un qui consente à sonner les cloches à son baptême. Rassurez-vous, brave homme, je serai la marraine de cet enfant auquel il ne manquera rien. Lorsqu'il sera né, vous demanderez la demeure de la dame du château aux quatre piliers d'or et vous viendrez me prévenir de l'événement. » Le bonhomme, satisfait, s'en retourna chez lui et apprit à sa femme la rencontre qu'il venait de faire. Celle-ci fut ravie à son tour et ne tarda pas à donner le jour à un garçon. Le père s'enquit de la demeure de la dame du château aux quatre piliers d'or et on la lui indiqua. C'était un palais, une merveille que la résidence de cette grande dame, qui se rendit aussitôt à l'église pour tenir son filleul sur les fonts baptismaux. En voyant une aussi belle dame et aussi riche personne, c'est à qui voulut être parraine du nouveau-né. La cérémonie terminée, la dame demanda au sonneur de cloche ce qu'elle lui devait. « Ce que vous voudrez, madame. » Connaissant son avarice, elle lui donna 2 sous au grand désappointement de l'homme qui avait d'abord refusé de prêter son concours. L'enfant avait reçu le prénom de Jean. Sa marraine dit aux parents « Gardez près de vous votre fils, soignez-le bien jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 7 ans, époque à laquelle je me chargerai de son éducation. » Ces recommandations furent exécutées et quand petit Jean, c'est ainsi qu'on l'appelait, eut 7 ans, sa marraine vint le chercher et l'emmena dans son château. 2. Lorsque le jeune homme fut habitué à son nouveau genre de vie, sa marraine lui dit « Te voilà presque devenu un homme, et il est temps que je sache quelle confiance je puisse avoir en toi. Voici 7 clés ouvrant 7 armoires, lesquelles renferment des objets rares. Dans 6 d'entre elles, tu pourras prendre ce qui te fera plaisir. Mais quant à la 7e, qui s'ouvre avec la plus petite des clés, tu n'y toucheras pas où tu aurais à t'en repentir. » Jean s'empressa d'aller visiter les 6 armoires qu'il pouvait ouvrir et fut ébloui des superbes choses qu'il renfermait. « La 7e armoire m'a contenu à des merveilles. Pourquoi m'empêche-t-on de l'ouvrir ?» Pendant plusieurs jours, il se contenta d'examiner en détail le contenu des 6 armoires mises à sa disposition. Mais bientôt, succombant à la tentation, il saisit la plus petite des clés et ouvrit la septième. Aussitôt, une bague en argent, le seul objet qui se trouvait dans cette armoire, vint se placer d'elle-même au petit doigt de Jean, qui chercha à l'ôter sans pouvoir y réussir. Il se rendit à la cuisine et pria une servante de l'aider à s'en débarrasser. Celle-ci n'y parvint pas davantage. « Je ne vois qu'un moyen, c'est de vous entourer le doigt d'un linge pour dissimuler la bague et de dire à votre marraine que vous vous êtes blessé. » Lorsque cette dernière aperçut le linge, enveloppant le petit doigt dans son filleul, elle lui demanda ce qu'il avait. « Presque rien, une simple écorchure. » « Tu ne dis pas la vérité. Ôte ce linge qui cache la bague que tu as au doigt. » Jean, tout en pleurs, avoua sa faute et supplia sa marraine de lui pardonner. « Pour cette fois, j'y consens. Mais ne recommence pas. » 3. Une année s'écoula sans qu'aucun incident sérieux ne vint altérer la bonne harmonie qui existait entre la marraine et le filleul. La dame du château aux quatre piliers d'or annonça un jour qu'elle allait partir en voyage. Elle remit à Jean 7 autres clés qui ouvraient les écuries. « Tu pourras monter tous les chevaux qui se trouvent dans 6 de ces écuries. Quant à la 7e, s'ouvrant avec la plus petite clé et qui renferme la jument dont je me sers, je te défends d'y entrer. Si, 7 fois, tu me désobéis, je ne te pardonnerai pas et te punirai sévèrement. » Jean promit de se conformer aux recommandations de sa marraine. Lorsque celle-ci fut partie, il choisit chaque matin, pour aller se promener, l'une des bêtes qui lui plaisait le mieux. Malgré sa joie, souvent il se disait « Qu'elle doit être superbe, la jument de ma marraine, et que j'aimerais à la voir. » « Non, non, n'y passons pas. » Et cependant, il y songeait sans cesse. Après avoir longtemps résisté, la curiosité devint une obsession plus forte que sa volonté et il pénétra dans la 7e écurie. Une jument noire, sans pareille, s'y trouvait. Elle fit au jeune garçon toutes sortes de caresses et sembla l'inviter à la monter. Comme elle était sellée et bridée, il sauta déçu et partit au galop faire un tour dans le parc du château. Soudain, la bête s'arrêta et lui dit « Malheureux garçon, si j'exécutais les ordres de la fée ta marraine, car elle est fée, tu l'ignorais sans doute. Je te briserai la tête en te lançant contre un tronc d'arbre. Je ne le fais pas parce que j'ai pitié de ton jeune âge. La colère de la fée sera terrible si elle nous retrouve ici. Crois-moi, fuyons au plus vite, car elle sait déjà à l'heure qu'il est que nous avons enfreint ses ordres. Partons. Retournons d'abord à l'écurie pour que tu prennes mon étrille et ma brosse dont nous aurons peut-être malheureusement besoin. » Jean s'empressa de faire ce que lui recommandait la jument, et après cela, celle-ci partit au galop, dévorant l'espace comme si elle était poursuivie par un loup. Bientôt, en effet, elle se mit à trembler et dit à son cavalier « Regarde derrière toi si tu n'aperçois rien. » Jean détourna la tête et poussa un cri d'effroi. « Maman, arrête de me poursuivre et gagne de vitesse sur nous. Que faire? Que faire? » « Jette tes trilles dans sa direction. » Immédiatement, des arbres sortirent de terre, formant une forêt remplie de ronces et de lianes infranchissables qui obligèrent la fée à en faire le tour. Pendant ce temps-là, la jument continua sa course échevelée sans se reposer un seul instant. Tout à coup, elle se mit encore à frémir de tous ses membres et reprit « Regarde derrière toi si tu n'aperçois rien. » « La voici, la voici! » « Jette la brosse bien vite! » Aussitôt, un bruit effroyable se fit entendre et une montagne, s'élevant à une hauteur prodigieuse, sépara la fée des voyageurs. Ceux-ci ne tardèrent pas à faire leur entrée dans la capitale d'un royaume où ils n'avaient plus à craindre leur ennemi. 4. « Comment allons-nous vivre? » demanda Jean à la jument noire. « Nous sommes partis si précipitamment que j'ai oublié ma bourse. » « Enlève mes fers qui sont sous mes pieds et qui sont en or. Tu iras les vendre et le prix que tu en obtiendras suffira à nos besoins pendant longtemps. » Jean trouva un orfèvre qui ne le vola pas trop et ils purent ainsi, lui et sa bête, vivre tranquillement sans se préoccuper de l'avenir. Dans une de leurs promenades, la jument fit remarquer à son cavalier qu'il ne pouvait rester à rien faire, que l'ennui s'emparerait de lui. « Tu as reçu de l'instruction, tu es bien de tes personnes. » Il faut aller offrir des services au roi. Jean sollicita une audience du souverain, qu'il eut le bonheur de charmer par son savoir et sa bonne mine. Aussi fut-il admis sur le champ dans le personnel du palais. Grande fut un jour sa surprise en apercevant sa marraine en grande conversation avec le roi et en apprenant qu'ils étaient fiancés et sur le point de se marier. Son effroi fut plus grand encore lorsque son maître l'appela pour le présenter à sa future. Celle-ci sembla ne pas le reconnaître et répondit au roi qui insistait pour qu'elle fixât promptement la date de leur mariage. « La noce aura lieu lorsque votre serviteur ici présent aura fait venir mon château aux quatre piliers d'or près de votre palais. » Le souverain, bien que surpris d'une pareille idée, ordonna néanmoins à Jean d'exécuter sans retard ce qu'il venait d'entendre. Le pauvre garçon s'inclina en pâlissant et alla conter son embarras à sa fidèle jument qui le consola et lui dit « Rends-toi immédiatement au château. Dis aux quatre domestiques qui en ont la garde et que tu connais que ta maîtresse t'a pardonné, que tu reviens au milieu d'eux. Sous prétexte de fêter ton retour, emmène-les au cabaret et tâche de les enivrer afin d'arriver à connaître comment on peut faire changer de place le château. » Jean exécuta de point en point les conseils de la jument et après force rasade, il apprit des domestiques que chacun d'eux avait la garde d'un pilier d'or qui reposait sur une roue et qu'il suffisait de les mettre en mouvement, tous les quatre en même temps, pour diriger le château où l'on voulait le conduire. Jean manifesta, avec intention, des doutes sur la possibilité de déplacer un édifice aussi considérable. Les buveurs, entêtés comme des hommes pris de boissons, proposèrent de lui prouver qu'ils avaient raison. Lorsque le filleul de la fée fut suffisamment renseigné, il ramena les gardiens au cabaret, leur offrit de nouveau à boire et les mit hors d'état de s'opposer à son dessein. Profitant donc de leur ivresse, il retourna au château, se fit aider par des valets subalternes auxquels il dit qu'il agissait d'après les ordres de sa marraine et conduisit le château aux quatre piliers d'or près du palais du souverain. 5. Le lendemain matin, en se réveillant, le roi fut agréablement surpris d'apercevoir le château de sa fiancée. Il la fit prévenir aussitôt de l'heureuse nouvelle, la suppliant de fixer la date de leur mariage. « Ce jour sera fixé lorsque vous aurez fait trancher la tête de Petit Jean, qui m'a désobéi deux fois. » Heureusement que ce dernier avait entendu la conversation qui venait d'avoir lieu entre le roi et sa fiancée. Il alla bien vite trouver la jument noire pour lui raconter ce dont il était menacé. « Rassure-toi, ce ne sera pas toi, mais ta marraine qui aura la tête tranchée. Cette méchante fée, afin d'épouser mon père, a fait mourir un jeune prince, mon fiancé, et moi, m'a changé en bête. Heureusement, l'époque de ma métamorphose vient d'expirer, et le roi saura de quel forfait est capable celle dont il veut faire une reine. » Soudain, les ténèbres les enveloppèrent et, bientôt, avec le retour du soleil, à la place de la jument, apparut aux yeux éblouis du jeune homme une ravissante jeune fille. Elle tendit la main à Jean en lui disant « Conduis-moi près de mon père, auquel je vais raconter les infamies de sa fiancée. » Lorsque le roi revit celle qu'il avait tant pleurée et qu'il croyait à jamais perdue, il la pressa sur son cœur et écouta, en versant des larmes de rage, le récit de sa chère enfant. Il fit arrêter la dame du château aux quatre piliers d'or et ordonna qu'on lui tranchât immédiatement la tête. Jean resta au palais, devint le favori du roi et épousa bientôt la princesse. Conté par Marie Patard de Bruse, âgée de 20 ans. Et ainsi se termine cette cinquième émission de la troisième série du podcast des Éditions de l'Avenir. Vous pouvez trouver nos émissions sur la page qui leur est consacrée sur Canal Blog à l'avenirpodcast.canalblog.com ainsi que sur SansMap, en transition sur Podomatic à l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, via le Miro Guide, partiellement sur Stitcher et Radio H2O. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Google+, et Facebook. La musique utilisée en cours d'émission est habituellement de Kevin MacLeod, incompetech.com, et de Christian Martin. Merci de votre attention. À bientôt.